Donc ça, c'est après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu es un homme qui est en toi de la jahiliya. Donc cet acte est parmi les actes des gens de la jahiliya. Mais le fait d'avoir un point de la jahiliya ne veut pas dire que tu es un kafir. Attention, chez beaucoup d'entre nous, on pourra trouver des points déjà, par exemple, dont on n'est pas encore bien, on ne s'est pas encore peut-être bien repenti, qu'on n'a pas encore bien compris, on ne s'est pas encore bien corrigé, des choses qui restent en nous. Mais quand on le sait, qu'on le remarque, on doit faire en sorte de corriger cela et de combattre le nefs pour ne pas tomber dedans à nouveau. Même si c'est encore en nous, on doit faire en sorte de le retenir. Combien d'entre nous sont arrivés à des situations, dans des moments de colère ou face à une personne qui te fait du mal, tu sens des choses du passé qui remontent, des termes, des envies, des choses que tu as envie de faire, que tu faisais auparavant. Mais tu sais que ces choses-là ne sont pas permises en religion et tu sais que c'est ta jahiliya là qui parle, qui est en toi, qui s'exprime, qui veut ressortir. C'est Shaitan qui te pousse à faire du mal. En ce moment-là, tu jahides nefsek, quand le sitar atik. Tu combats ton nef autant que tu peux et tu trouves une façon de pouvoir éviter ce mal. Pas mal. Et la meilleure chose, comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, taqul a'ouzu billahi minash shaitan ar-rajim. Comme cela est venu dans le hadith, quand ces deux hommes qui s'insultaient et se disputaient, l'un d'entre eux était devenu rouge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je connais une parole s'il avait dit, ce qu'il y avait en lui serait parti. Le qala a'ouzu billahi minash shaitan ar-rajim. Et également, tu t'assois. Ouais, tu cherches les causes légiférées qui ont été enseignées afin de sortir de cette colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien expliqué également que celui qui a une colère en lui, qu'il est en mesure de ressortir, d'exprimer, si jamais il la retient, il sera ressuscité yom al-qiyamah au devant de toute la création et il choisira qui il veut parmi les huli'in. Donc ça, c'est un fadl énorme de celui qui arrive à maintenir sa colère. On parle de la colère qui va mener à un mal, bien entendu. Maintenant, il y a des colères, il faut les exprimer. Des colères pour la religion, il faut l'exprimer. Quand un mal a été fait, et que des fois, faut se mettre en colère, faut se mettre en colère. Faut le salam salam, c'est mis en colère. Comme l'a dit Aïcha, qui ne se mettait pas en colère parce que sa personne était touchée, mais se mettait en colère lorsque les limites des lois d'Allah étaient outrepassées. Il se mettait en colère, prophète salam salam. Adam Arouf. Donc là, c'est parmi les choses de la jahiliya. De critiquer quelqu'un pour ce que toi tu vois comme étant un défaut chez autre. Par exemple, tu vas voir un tas, tu te disputes avec un frère, tu dis de toute façon, toi, ton petit frère, c'est un voleur. Ma salam. Tu dis ça, mon petit frère, c'est un voleur. Et en quoi ça me concerne? C'est pas moi qui l'ai pris à voler. Alors que dire si tu critiques quelqu'un, comme dans le hadith, pour une chose qui n'est pas un mal? Donc que tu critiques pour une chose qui soit légitime ou pas, tu n'as pas à t'en prendre à quelqu'un en critiquant pour ce qui est chez les autres. À part s'il a sa part et qu'il participe à ce mal, si jamais c'est un mal. Et là, c'est autre chose.